Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Amédée Bayeux de Guerville est un voyageur, une sorte de baroudeur, à la fois agent commercial et correspondant de guerre. En 1904, il fait paraître au Japon les mémoires d'un correspondant étranger au Japon, en Corée, en Chine, là où il se trouvait entre 1892 et 1894. Il y raconte un repas quand il est invité chez la femme du ministre de la guerre, une charmante japonaise élevée en Europe. Il écrit « Le dîner se composait de plats qui me plaisaient peu, une soupe de poisson, une omelette aux algues marines, une fricassée de poulet aux racines de bambou, etc. Tout cela se passait tant bien que mal, mais il y a un plat que je n'ai jamais pu regarder en face, ni jamais pu même goûter, c'est le poisson cru. Au moment de le servir, on le sort vivant de l'eau, on lui arrache la peau, on le coupe en petits morceaux qu'on apporte rapidement devant vous. Oui, Amédée Bayeux de Guerville dit qu'il est dégoûté. C'est alors que son hôte, très calme, lui dit qu'elle ne comprend pas ce sentiment. Comment, madame, vous qui avez vécu en Europe, vous ne... Elle l'interrompt en secouant la tête. « Non, non, je ne peux comprendre votre dégoût, car vous mangez pire que cela à Paris, Londres, New York, partout. Mais qu'est-ce donc, madame ? Ce sont vos huîtres. » Et elle ajoute doucement, « Non seulement elles sont crues, mais vivantes. La cuisine japonaise, elle aussi, est vivante, au sens où derrière son apparence millénaire, elle a une histoire. » Aujourd'hui, nous sommes installés dans un restaurant japonais. Mais d'ailleurs, comment sommes-nous installés ? François Simon, bonjour. Oui. François Simon, critique gastronomique, auteur avec Ryoko Shekiguchi de cuisine française, chef japonais. Comment sommes-nous installés dans un restaurant japonais ? Écoutez, on est souvent installé sur un tabouret ou un petit fauteuil comme ça perché. Et du coup, on a une perception du restaurant qui est un peu différente de notre position assise traditionnelle occidentale. Tout d'ailleurs dans la spatialité du restaurant japonais nous pousse à repenser et de même à oublier notre grille de lecture. Par exemple, le chef est face à vous. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire qu'il va suivre votre appétit. Votre absence d'appétit, vos yeux, vos mains, votre compagnie. Et en fait, ça fait du repas japonais un repas unique et souvent fait sur mesure. Le repas fait sur mesure avec, évidemment, dans notre vision occidentale du repas japonais, cet aliment majeur, le sushi. Nicolas Baumer, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, spécialiste de la géographie culturelle et historique du Japon, maître de conférence à l'université de Nagoya. D'ailleurs, vous êtes à Nagoya en ce moment pendant que vous nous parlez, chercheur associé à l'Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise de Tokyo. Et vous avez participé à l'ouvrage dirigé par Jean-Pierre Poulain, Dictionnaire des cultures alimentaires. Cet aliment, le sushi, est composé de riz et de poisson. Il a une histoire qui peut nous étonner d'ailleurs. Si nous traçons la généalogie du sushi, nous ne sommes plus du tout au Japon. En effet, c'est l'origine du sushi, la très longue histoire du sushi. Elle commence plutôt dans la péninsule indochinoise. Et on retrouve des traces de poissons fermentés avec du riz, qui à l'époque c'était des poissons de rivière. Donc c'était du poisson qui était mis à l'intérieur du riz et qui était mis à fermenter pour le conserver. Et cette préparation s'est diffusée un petit peu dans toute l'Asie, notamment au Japon, où on l'appelait le narezushi. Narezushi qui a continué, qui existe encore aujourd'hui. Alors c'est un sushi qui c'est pas l'image qu'on a du sushi aujourd'hui, parce que le sushi était juste le poisson. Le riz qui était fermenté était jeté. Et c'était le moyen de conserver le poisson. Et tout ça a continué pendant de nombreux siècles au Japon, jusqu'à un premier changement vers le XVIe siècle, où les Japonais ont fait ce qu'ils ont appelé le nama nare. Nama, ça veut dire cru, et donc c'est un poisson qui est beaucoup moins fermenté. On pourrait l'appeler un sushi semi-fermenté. Mais le riz est toujours jeté. Le riz est toujours jeté. Et puis petit à petit, le poisson devient de moins en moins fermenté au cours de l'époque des eaux, au XVIIe, XVIIIe siècle. Apparaît un autre sushi qui est le hayasushi, qui est rapide. Et cette fois, on ne jette plus le riz. on ne jette plus le riz, on garde le riz et on mange en même temps le sushi. Et puis tout ça évolue petit à petit dans la capitale du shogun, Edo, qui est l'actuel Tokyo. Et à partir de ce moment-là, on a une sorte de hayasushi qui est fait avec du poisson très frais. Donc le riz n'est plus fermenté, mais il est vinaigré. Et c'est l'image qu'on a aujourd'hui du nigiri sushi, hein, c'est-à-dire la petite bouchée de riz sur laquelle on met une tranche de poisson. Une histoire qui était à l'époque des poissons qui étaient pêchés dans la baie de Edo. Qu'on appelle toujours, d'ailleurs, si on garde la même tradition, Edo-Maezushi, c'est-à-dire les sushis qui étaient pêchés devant Edo. Voilà, une histoire du sushi qui nous conduit, en fait, pour les origines en Chine, avec un bout de poisson dans du riz, on jette le riz, puis tout doucement, le poisson est de moins en moins fermenté, pour arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire une boulette de riz vinaigré avec une tranche de poisson. François Simon, je dis, ce que nous connaissons aujourd'hui, oui, nous, occidentaux, quand nous allons dans un restaurant japonais, c'est ce que l'on nous sert. Ce que l'on nous sert, est-ce vraiment ce que l'on trouve au Japon ? Alors là, vous posez la bonne question, parce que la plupart des restaurants japonais de Paris, par exemple, ne sont pas tenus par des Japonais. Et c'est le début des malentendus. Je pense qu'il n'y a que 10% qui sont vraiment tenus par des vrais Japonais, qui respectent le style, l'esprit, la philosophie. Et souvent, vous voyez d'ailleurs des restaurants où il y a juste une sorte de petit comptoir sur lequel on ne peut même pas déjeuner. Donc c'est le début du contresens. La suite du contresens, c'est on se dit, tiens, les restaurants japonais, c'est pas cher, c'est rapide et c'est diététique parce qu'on mange quasiment rien. En fait, si, le problème, c'est que les très bons restaurants de sushi sont très chers à Paris comme au Japon. C'est-à-dire, parfois au Japon, on peut arriver à des repas qui atteignent les 400-500 € par personne. Ça veut dire que le poisson, c'est quand même un produit de la mer extrêmement rare et qui a un coût. Et donc, quand on voit ce qui est proposé à Paris dans des formules à prix totalement fracassé, on se demande un peu où est la qualité de ce poisson. Et ensuite, on a l'impression que c'est rapide. Non, je pense qu'on peut déjeuner effectivement rapidement, mais ce qui est important, c'est de prendre le temps. Et je pense que la meilleure façon de goûter un sushi, c'est d'arriver à isoler le grain de riz, et mieux encore, sous la dent, près de la langue, d'arriver lentement à son cœur fondant après avoir traversé un peu la petite coque résistante du grain en lui-même. Vous voyez, on est loin un peu de cette vision un peu expéditive, bâclée, un peu caricaturale. Et d'ailleurs, souvent on parle de restaurants asiatiques, ces restaurants-là sont presque, ils font parfois des panini, ils font même des crêpes, enfin c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que quand il est question de riz, il est possible et même nécessaire d'en parler avec poésie. Le riz cuit, dont l'identité absolument spéciale est attestée par un nom particulier qui n'est pas celui du riz cru, ne peut se définir que par une contradiction de la matière. Il est à la fois cohésif et détachable. Sa destination substantielle est le fragment, le léger conglomérat. Il est le seul élément de pondération de la nourriture japonaise, antinomique à la nourriture chinoise. Il est ce qui tombe, par opposition à ce qui flotte. Il dispose dans le tableau une blancheur compacte, granuleuse, au contraire de celle du pain, et cependant friable. Ce qui arrive sur la table, serré, collé, se défait, d'un coup de la double baguette, sans cependant jamais s'éparpiller. Comme si la division n'opérait que pour produire encore une cohésion irréductible. C'est cette défection mesurée, incomplète, qui, au-delà ou en deçà de la nourriture, est donnée à consommer. En 1970, après un voyage au Japon, le sémiologue Roland Barthes écrit « L'Empire des signes ». Nous venons d'en entendre une lecture enregistrée dans l'émission « Les chemins de la connaissance ». C'était en 2010. Roland Barthes évoque justement une confrontation entre la cuisine japonaise et la cuisine chinoise. Mais Roland Barthes parle de son moment, 1970. Nicolas Baumer, il y a, pour chercher toujours les origines d'une cuisine, les inspirations à trouver, peut-on dire que la cuisine japonaise est née de la cuisine chinoise ? Alors là, vous me posez une question extrêmement, extrêmement difficile. Je pense pas qu'elle est née de la cuisine chinoise, mais en tout cas, elle s'en est inspirée. Parce que en fait, le Japon, qui est un archipel, qui a un archipel sur la côte pacifique, finalement, est l'aboutissement de plusieurs routes. Donc, il y a des routes qui viennent de Chine, il y a des routes qui passent par la Corée et qui viennent de Chine, qui passent par la Corée, qui arrivent au Japon. Il y a des routes qui passent par l'archipel des Ryukyu, qui viennent de Taïwan et qui viennent du Sud. Vous avez une route qui passe par le Nord, par la Sibérie, un petit peu quelques influences mélanésiennes. Donc, il y a beaucoup d'influences, mais c'est un petit peu un cul-de-sac, c'est le réceptacle. Donc, le Japon s'est inspiré de tout ça. Mais étant un archipel, il a filtré tout ça. Donc on peut dire qu'il y a eu une influence chinoise qui est importante, qui est forte. Je vais prendre un exemple très très simple que je connais bien puisque j'ai travaillé beaucoup sur le saké. J'ai fait ma thèse de doctorat sur le saké. Le saké, par exemple, la méthode de fabrication du saké, qui est ce qu'on peut appeler un vin de riz, une céréale fermentée. La méthode vient de Chine. Ça a été inventé en Chine. Mais les Japonais ont pris une des méthodes des vins de céréales, parce que il n'y avait pas que le riz qui était fermenté à ce moment-là, et l'ont développé pour eux. L'ont développé pour eux au point que ça devient un marqueur de l'identité japonaise et de la culture japonaise. Le saké, quand on dit saké en français, on reprend un mot japonais. Et en japonais, on dit nihonshu, qui renvoie à nihon, le Japon. Donc non, je peux pas dire qu'elle vient de la cuisine chinoise, mais en tout cas, elle s'est beaucoup influencée. Par exemple, les nouilles sont venues de Chine, la friture est venue de Chine, la cuillère est venue de Chine aussi au niveau des ustensiles, mais les baguettes aussi, mais elles sont utilisées différemment. La cuillère n'est aussi pas utilisée dans le bol pour boire la soupe, comme vous mettez à Roland Barthes, la description de Roland Barthes tout à l'heure dans la lecture que vous avez faite. Donc oui, il y a une influence chinoise qui, tout au long de l'histoire, a été présente. Mais le Japon a repris tout ça et l'a refait, disons, à sa sauce. Nicolas Baumer, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le saké, une exception japonaise ». Et puis vous avez co-dirigé l'Atlas mondial des cuisines et gastronomie aux éditions Autrement. Il y a une spécificité, voire une identité de la cuisine japonaise qui constitue une fierté nationale. François Simon, cette fierté nationale est une évidence au sens où, dans la géographie de la cuisine en Asie, le Japon se distingue. Ce que l'on mange au Japon, et nous pensons toujours au sushi, ne se mange pas ailleurs. Oui, ça c'est intéressant dans la mesure où aujourd'hui, cependant, la géographie, la mondialisation a totalement rebattu les cartes. Et ce qui est intéressant justement au Japon, c'est que on y rencontre sans doute les meilleurs restaurants italiens au monde. C'est le travail qu'avaient fait des critiques gastronomiques italiens qui étaient tombés de l'armoire quand ils avaient vu la qualité des restaurants italiens. Et personnellement, moi, j'avais eu la chance de visiter tout le pays avec comme objectif comparer et surtout classer la qualité des croissants, des baguettes et des pains de campagne, du nord au sud. Et j'étais stupéfait de voir le niveau de qualité des croissants, du pain, parce que là-bas, c'est considéré avec une approche totalement respectueuse et encyclopédique, c'est-à-dire que les boulangers sont souvent des universitaires, enfin, parfois. Ils ont fait le tour du monde avant pour voir comment on faisait du Mexique en Inde et tout ça, en Afrique. Et quand ils sont revenus avec un savoir, mais spectaculaire, colossal. Et du coup, à chaque fois que les Japonais, enfin, ce sont des généralités que je dis là, mais bien souvent, les Japonais, lorsqu'ils s'attaquent à quelque chose, que ce soit au design d'une cuillère, comme à la réalisation de la mie d'un croissant, c'est formidable, parce qu'ils ont un respect du travail, ils ont la fierté de travail, ce qui, souvent ici, en France, c'est considéré comme un peu risible. Les gens qui travaillent un peu trop, on les regarde un peu avec un sourire attendri et un peu de commisération. Alors que là-bas, quand on s'embarque dans une spécialité, c'est formidable. D'ailleurs, quand on parle des restaurants italiens en Italie, personne ne vous parle de restaurant italien, mais on dit « mais c'est de la cuisine toscane ou napolitaine ?» Vous voyez un peu ? on a poussé le bouchon un peu plus loin. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le Japon. Ça m'a redonné le goût et la fierté du travail, alors qu'ici, c'est une valeur un peu rigolote parfois. Un peu galvaudé, François Simon, c'est passionnant ce que vous venez de dire. Avec cette mondialisation et puis cette appropriation de d'autres recettes venues d'autres cultures et poussée à un haut point de qualité. Pourtant, dans l'histoire du Japon, Nicolas Baumer, le pays a longtemps été fermé. C'est cette grande période d'Edo hein, qui part au XVIIe siècle et puis qui va jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'à l'ère Meiji qui commence en 1868 quand le Japon s'ouvre. Cette période où le Japon est fermé, où il y a peu de contact avec l'extérieur, ils sont plutôt interdits, permet de développer une gastronomie, même si le mot est anachronique pour cette période-là, une gastronomie qui transforme en fait des importations notamment. Non, je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Je crois que le mot n'est pas anachronique. Si on parle de gastronomie entendue au sens français, je pense que elle se met en place quand même à l'époque précédente. À l'époque Muromachi, voire à la fin de l'époque Kamakura. Donc là, on est vers les 13e, 14e, 15e siècle. Parce que c'est le début, à ce moment-là, de la sensibilité vis-à-vis de l'alimentation des Japonais. Il y a un discours qui va commencer à se mettre en place à cette période-là. Donc déjà avant Edo, il y a une sensibilité gastronomique qui se met en place. Les premiers discours, notamment Dogen, qui est le moine qui a apporter le zen au Japon et qui a publié un traité de cuisine pour les cuisiniers zen à ce moment-là. C'est les premiers discours gastronomiques sur la manière de se nourrir, la cérémonie du thé aussi qui va naître à ce moment-là. Donc il y a tout ça qui se met en place déjà avant Edo, mais c'est vrai qu'Edo tout se cristallise. Parce que le Japon choisit les produits qu'ils prennent, et donc il y a quelque chose. On va revenir au sushi si vous permettez, parce que Monsieur Simon disait quelque chose de très intéressant et qui m'a interpellé tout à l'heure. Il parlait des petits comptoirs et de manger rapidement dans les restaurants de Paris. Or, ce qui se passe à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle à Edo, dans la capitale du Shogun, c'est une cuisine de rue. Les gens mangent dehors. C'est une cuisine d'échoppe, des petites échoppes. Et le sushi va naître à ce moment-là, comme tout ce qui est connu aujourd'hui, tout ce qui a participé à la mondialisation de la cuisine japonaise, tout arrive à ce moment-là à Edo. Les tempura, etc. Vous avez tout ça qui se met dans des petites échoppes. Et dans ces petites échoppes, eh bien, on mange vite. Et c'est très japonais de manger vite. On mange vite et bien. La gastronomie se conjugue avec la vitesse. C'est quelque chose qui est assez étonnant. Et l'échoppe, au cours du XXe siècle, est rentrée à l'intérieur du restaurant. C'est-à-dire le comptoir, c'est l'ancienne échoppe de rue qui est rentrée à l'intérieur du bâtiment. Et ce sont des petits comptoirs. Les très grands restaurants de sushi ne sont pas grands, ils sont très petits. Ils ont parfois juste un comptoir de 8, 9, 10 places peut-être. Et les tables, c'est deux tables, une ou deux tables. Et on ne s'assied pas à la table, on s'assied au comptoir. La table, c'est simplement pour attendre sa place. Donc ce qui naît à cette période d'Edo, dans la capitale Edo, parce que dans le reste du Japon, c'est encore un petit peu différent. C'est une cuisine avec une gastronomie où on mange vite et bien. Vite et bien. Nicolas Baumer, vous avez raison de me corriger quand je dis que, en parlant du 17e, le mot gastronomie est anachronique, au sens où c'est un regard européen que je porte là. Le mot gastronomie apparaît dans la langue française en 1801, au début du 19e siècle. Et puis après, bien sûr, avec Brillat Savarin et la physiologie du goût. Mais cela ne veut pas dire que le discours sur l'art de manger n'existait pas. C'est ça, la gastronomie, le discours sur l'art de manger. François Simon, au Japon, bien sûr, il y a ce que l'on mange, mais il y a ce que l'on dit de ce que l'on mange. Comment se construit ce discours? Est-ce un discours, d'ailleurs? Commente-t-on beaucoup les plats? Ah, une fois, je me suis essayé, histoire de faire le malin, d'émettre une critique avec des amis japonais. Sur une entrée que je trouvais totalement déplacée, un amuse-bouche qui était hyper gras, c'était une sorte de foie gras, très écœurant. Et je me suis permis d'émettre un peu ce jugement que je viens de formuler. Et on m'a jamais répondu. En fait, la notion de critique est totalement déplacée, voire incongrue. C'est même, j'étais en train de casser l'atmosphère avec des perfidies et de l'ironie parisienne. En fait, le discours de la gastronomie échappe à l'univers de la critique, comme on l'entend à Paris, en Occident, puisque là-bas, la critique, enfin, pour avoir fait plusieurs critiques de restaurants au Japon, ça n'existe pas vraiment, puisqu'on envoie, on soumet au restaurateur le papier qui va être publié, en lui demandant est-ce que vous êtes d'accord, et même s'il n'est pas d'accord, il peut néanmoins manifester son courroux ou son désagrément. Donc, du coup, le champ critique, là-bas, est quasiment très peu habité. Et du reste, est-ce que c'est la sensibilité, enfin je parle en termes de généralité, je pense que quand on est autour de la table au Japon, où il y a une sorte de bienveillance, il y a une sorte d'atmosphère que nous, occidentaux, avons du mal à serrer, à cataloguer et à emmagasiner. Moi, au bout de quelques séjours là-bas, j'ai compris qu'en fait ma grille de lecture ne fonctionnait absolument pas. Que ça soit sur les saveurs, les odeurs, l'atmosphère, la spatialité du restaurant, et même cette notion très imperceptible qui est ce qui est important, ce n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on ne voit pas, mais dont on ressent la beauté. Et c'est ça l'atmosphère d'un restaurant japonais, c'est on est totalement en dehors du champ occidental. Et c'est ce que j'ai, moi, adoré là-bas, et c'est ce qui m'a fait tomber en amour de ce pays, c'est qu'en fait, on est totalement désemparé, on a perdu tout repère, et on apprend, j'allais dire, l'humilité. Après 4 ou 5 séjours, j'arrêtais pas de ramener ma fraise, mais au bout du 6e, j'ai commencé à gagner le silence, l'écoute, l'observation. Et c'est ça qui est passionnant dans la culture japonaise, notamment dans le monde des restaurants, c'est qu'on apprend à chaque fois. Et même lorsqu'on se quitte, il y a une chose qui m'a totalement chamboulé, c'est l'omiyokuri. C'est-à-dire, ça consiste à suivre du regard la personne que l'on quitte jusqu'à ce qu'elle disparaisse du champ de vision. C'est-à-dire que le restaurateur, bien souvent, il sort de son restaurant, et puis, on se salue, on échange des saluts, et puis vous partez. Et quand vous vous retournez, eh bien, il est toujours là. Soit qu'il fasse des gestes de la main, ou alors il vous fait de la salutation japonaise traditionnelle. Et c'est seulement lorsque vous avez quitté son champ de vision qui rentre à ce moment-là dans son restaurant. Et ça, pour moi, mais quand j'en parle, j'ai quasiment la voix nouée parce que j'ai appris à considérer la relation aux autres avec beaucoup plus d'importance, de chaleur, d'attention. Et ne serait-ce que cela, c'est une des grandes leçons du restaurant comme de la civilisation japonaise. Le goût, évidemment, le regard, mais aussi le son, le bruit, la musique de la cuisine japonaise. Lorsque j'écoute le bruit, pareil à un cri d'insecte lointain, ce sifflement léger qui vrille l'oreille, qu'émet le bol de bouillon posé devant moi, et que je savoure à l'avance et en secret le parfum du breuvage, chaque fois je me sens entraînée dans le domaine de l'extase. Les amateurs de thé, dit-on, au bruit de l'eau qui boue, et qui pour eux évoque le vent dans les pins, connaissent un ravissement, voisin peut-être de la sensation que j'éprouve. La cuisine japonaise, a-t-on pu dire, n'est pas chose qui se mange, mais chose qui se regarde. Dans un cas comme celui-là, je serais tentée de dire qui se regarde, et mieux encore, qui se médite. Tanizaki, Éloge de l'ombre. Une lecture de roman Éloge de l'ombre de Tanizaki dans les goûts de l'Asie, auberge et douceur nippone, l'émission Bouche à oreille sur France Culture en 2006. Au moment de constituer cette émission, au moment de rechercher les sons avec Émilie Véala qui réalise le cours de l'histoire, aujourd'hui à la technique Olivier Arnay, nous avons été surpris de constater qu'énormément d'archives, dès qu'il est question de cuisine japonaise, jouent sur une poésie, une douceur, une musique. Ah, c'est sûr, on est loin des fêtes bavaroises, quoi. Et c'est une cuisine très particulière. Nicolas Baumer, dans son histoire, il y a évidemment, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, la volonté de comprendre comment cette cuisine qui est présentée comme ancienne se construit en réalité. Nous avons évoqué cette époque d'Edo, toute cette période du XVIIe siècle au XIXe siècle où se construit la cuisine japonaise. Est-ce une cuisine qui est localisée? C'est grand le Japon, il y a plusieurs îles. Ou est-ce qu'il y a une uniformisation, au moins d'une cuisine reconnue par une élite, et bien évidemment celle du shogunat? Ici, oui, la période d'Edo permet une certaine uniformisation. Alors pour le comprendre, il faut repenser comment était organisé le Japon d'Edo. En fait, le Japon d'Edo, c'était des seigneurs qui avaient chacun leur fief, mais qui se rendaient à la capitale, qui restaient en général une année sur deux à la capitale Edo. Et quand ils repartaient administrer leur fief, ils laissaient leur famille en otage. Donc c'est ça aussi qui a permis la stabilité. Ce qui fait que toute la diversité géographique des cultures, mais aussi des cuisines, a subi une certaine uniformisation par ce creuset qu'a été la capitale du shogun, où l'élite se rencontrait. Et on voit au fur et à mesure que se développe la période. La période d'Edo, on peut la diviser en deux. En fait, on a un très beau XVIIe siècle où vous avez la population qui augmente, tout qui va très bien. Un XVIIIe siècle plus heurté avec des crises, des famines et beaucoup de problèmes. Mais à ce moment-là, pour répondre à ces crises, vous avez de la part des élites une volonté d'uniformiser les cultures. Et ce qui n'a pas été forcément ce qui est mieux, parce que le choix d'uniformiser les cultures sur un Japon qui part de la mer d'Okhotsk jusqu'à Okinawa, évidemment les climats sont très différents, mais on retrouve une certaine uniformisation. Néanmoins, il y a encore une très grande diversité géographique dans les cuisines régionales, et ça existe encore aujourd'hui. Je crois que l'image de la cuisine japonaise s'est aussi reconstruite aujourd'hui par le regard extérieur, et notamment ce qu'on voit, le sushi n'était qu'une petite spécialité d'Edo puis de Tokyo. La cuisine japonaise est beaucoup plus diverse qu'elle n'apparaît dans les restaurants à l'étranger. Oui, elle est beaucoup plus diverse, François Simon. Alors là aussi, c'est quelque chose à souligner toujours pour essayer de déconstruire notre regard occidental qui se limite souvent au poisson cru sur une boulette de riz. D'ailleurs, des grosses boulettes, hein. Un sushi au Japon doit se manger en une bouchée. Chez nous, il en faut deux fois, trois fois parfois pour réussir à l'avaler. Allez-y, Nicolas Baumer. Si je reprends l'extrait sonore que vous avez noté, diffusé là, juste avant, où on parle du bouillon de la soupe, il y a aussi quelque chose qui est important dans le rôle de cette soupe, et c'est pour ça que c'était dit de cette manière-là. C'est la soupe est le révélateur de la saveur. C'est là qu'est concentré l'umami et qui permet de révéler toutes les autres saveurs. Et tout ça se met en place aussi à cette période-là avec le repas japonais qu'on appelle Ichijo Sansai, qui va se mettre en place à ce moment-là avec une soupe, des accompagnements et tout ça qui tourne autour du riz avec la soupe qui permet de révéler les saveurs. C'est pour ça que vous avez cette poésie-là qui était tout à l'heure. Qui est sublime. Alors François Simon, effectivement, la poésie est là, elle est sublime. C'est sûr que chez un sushi japonais, il peut y avoir de la poésie, peut-être pas les gros sushis que l'on nous vend en Europe. Oui, absolument, mais cela dit, ça évolue, hein, j'allais dire, en 30-40 ans, c'est incroyable les progrès que la cuisine japonaise a apportés en Europe. Et ne serait-ce que, il y a bien sûr les restaurants japonais, mais j'ai réalisé aussi que la cuisine française maintenant était drôlement pulsée par les chefs japonais qui viennent ici travailler et qui apportent leur ferveur dans la gastronomie française, parce que le dernier 3 étoiles au Michelin est un japonais, c'est Kei Kobayashi. Et lui, comme d'autres avant, Tateru Yoshino, ils ont tellement été fascinés par la cuisine française que toute leur vie est axée sur leur venue en France. C'est une véritable destinée qu'ils ont construite. Et aujourd'hui, je pense que la gastronomie française a beaucoup été aidée par ces jeunes chefs pleins de ferveur qui ont notamment redonné du peps à l'univers des bistrots. Parce que bien souvent, les chefs n'aiment pas tellement faire les plats que les gens aiment, comme la blanquette de veau, le pot-au-feu. Ils ont l'impression qu'ils perdent leur personnalité et leur signature. Alors que les jeunes chefs japonais, justement, mettent un point d'honneur à réussir ces plats traditionnels français, bourgeois. Et l'apport de la cuisine japonaise dans la cuisine française a été très très importante. Et aujourd'hui, je pense qu'elle fait, les Japonais nervurent en quelque sorte la gastronomie française parce qu'ils sont partout, parce qu'ils apportent leur côté dynamique, un peu obsessionnel, perfectionniste. Et ça, souvent dans les cuisines, ça manque parce que les Français ont l'impression d'être les meilleurs au monde, d'avoir un talent inné, alors que la cuisine, c'est avant tout du travail et du temps. Du travail et du temps, tout ça pour se mettre enfin à table. À table ! J'arrive ! Alors ? C'est délicieux ! Oui ! Avec du fromage, ce serait encore meilleur. Bonne idée. La prochaine fois, j'essaierai. Satsuki Yoshino, elle n'aime pas trop mon curry. Mais moi, ça m'arrive d'en avoir envie comme ça. Le curry de fruits de mer de maman, j'étais beaucoup trop petite pour m'en souvenir. Donc, le seul vrai curry pour moi, c'est celui de grand-mère, avec des bâtonnets de poisson. Oui, ça te rappelle ta grand-mère. Chiketchan. L'autre jour, j'ai menti. Oui ? Le riz aux alevins. En vérité, papa en faisait souvent quand on habitait encore à Sendai. Ah bon ? Alors ce plat te rappelle papa ? C'est une sorte de madeleine. Bon, c'est du riz aux alevins. Un extrait du film Notre Petite Sœur, un film de Kore-eda Hirokazu, un film de 2015. Un film où il est question de cuisine. Et en parlant de cuisine au Japon, un mot a été prononcé dans cette émission, mais nous ne l'avons pas encore défini. C'est l'umami. Nicolas Baumer, qu'est-ce que cette chose-là, l'umami ? Ah, l'umami, oui, cette cinquième, sixième saveur. Eh bien, tout à l'heure, on parlait de la soupe, on parlait du bouillon. L'umami est là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est l'umami? Si je veux comparer à quelque chose que nous connaissons en France, le goût, c'est peut-être un peu le gras du jambon. Le gras du jambon cru. C'est là qu'est concentrée la saveur. Et l'umami, c'est un révélateur des autres saveurs. Donc, au Japon, les Japonais découvrent ça et on crée un bouillon qui permet de concentrer l'umami. Alors ce bouillon, c'est la soupe japonaise faite avec la bonite séchée et l'algue kombu. Et la soupe concentre l'umami qui va permettre de révéler toutes les autres saveurs. Et c'est pour ça que la cuisine japonaise est si délicate. Elle paraît fade au début, mais ensuite, grâce à l'umami, on peut révéler toute la subtilité des autres saveurs. Donc le repas japonais, c'est quelque chose qui s'est effectivement construit sur une longue histoire, qui a bénéficié d'apports qui venaient de l'extérieur et tout ça. Mais ce qui est fascinant, c'est dans le repas japonais, dans le plateau japonais, la manière dont les éléments s'articulent. Autour du riz, vous avez la soupe, les accompagnements, la soupe permet de révéler les saveurs des accompagnements que l'on mange avec du riz. Et c'est une petite construction qui fonctionne très bien. Et je crois Roland Barthes dans l'Empire des Signes, c'est comme ça, c'est vous-même qui créez ce que vous mangez, vous créez votre propre tableau avec les baguettes. L'umami sert de révélateur en réalité aux autres saveurs. L'umami sert de révélateur aux autres saveurs. Et parmi ces autres saveurs, François Simon, il y a ces saveurs que nous connaissons tous, hein, le sucré, le salé, l'amer, l'acide, etc. Il y a l'umami aussi. Et dans cette volonté de mettre en avant ces saveurs, y a-t-il au Japon le désir de montrer l'ancienneté de la cuisine? Je pense à cela, par exemple, au cérémonial qui peut entourer le repas, aux tenues des gens. Y a-t-il ce désir de s'ancrer dans une tradition reconstruite souvent, mais très ancienne? Ah oui, bonne question, mais je voudrais d'abord féliciter Nicolas pour sa définition de l'umami, parce que c'est très très dur à choper cette notion, parce qu'elle nous échappe à nous occidentaux. Et moi-même, je l'ai gardé dans une sorte de jardin imaginaire dans lequel j'évite de poser des mots parce que c'est presque impalpable et j'aime bien cette idée-là de, pas d'abstraction, mais de, une sorte de territoire poétique dans lequel entre la confusion et d'autres éléments qui nous échappent. J'aime bien lorsqu'on sort du sens et bravo à Nicolas d'avoir réussi quand même à poser des mots. Même si, lorsque vous ferez un prochain repas dans un restaurant japonais, vous aurez un mal de chien aussi à chasser cette notion-là, parce que elle nous échappe. Et pour revenir à votre question, Xavier, bien sûr que, enfin, moi, je suis pas un spécialiste autant que Nicolas, mais j'ai l'impression qu'il y a tout un cérémonial dans les repas. Et moi, en tant qu'occidental, ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont on utilise les mains. Déjà, avec le, on oublie les couverts. Et finalement, quand on y réfléchit, quand une dimension assez barbare, le couteau qui coupe, la fourchette qui pique. Et là, on a déjà la douceur des baguettes en bois, très légères, qui arrivent sur les aliments comme des guillemets. Et on les prend par déjà l'ampleur de la bouchée est beaucoup plus petite, donc on fait beaucoup plus attention lorsque ça rentre dans la bouche, alors qu'avec une fourchette, bon sang. Tout à l'heure, vous parliez de Xavier de sushi qui était gros comme des steaks, mais souvent avec des fourchettes, on emmagasine beaucoup trop d'éléments, beaucoup trop de saveurs. Alors que là, les baguettes arrivent comme des guillemets sur les produits. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est les mains. Lorsqu'on prend son gobelet de thé, on met les deux mains. Alors qu'en France, bon, c'est rare qu'on prenne son verre à deux mains, sauf quand on est dans un état d'ébriété avancé. Et là, l'attention est toute particulière parce que mettre les deux mains comme lorsque l'on prend une carte de visite, on la saisit toujours des deux mains, jamais d'une main distraite pour la mettre dans sa poche, c'est immédiatement tout un univers d'attention, on porte à l'autre, on porte au produit, en l'espèce le thé ou le bouillon, un intérêt, c'était comme tout à l'heure quand on quittait la personne de regard. Et là, on se concentre totalement sur ce que l'on prend entre les deux mains. Et j'ai l'impression que c'est un geste ancestral qui vient de la nuit des temps, mais aussi qui est l'expression de toute une civilisation. Pour moi, c'est aussi important que le silence. On entre dans une autre dimension, comme celle des saisons qui étaient évoquées. Ce que j'aime beaucoup chez les Japonais, c'est que on arrive tellement à dissocier les différentes saisons, puisque bon, en Occident, on parle souvent des quatre saisons, mais j'aime à penser, souvent c'est rappelé dans certains livres, que les Japonais arrivent à dissocier à l'intérieur même d'une saison, plusieurs saisons, on en arrive même à 24 ou 48. Et même avec des notions drôlement intéressantes et très touchantes que développaient de façon très réussie et poétique, Ryoko Sekiguchi dans son dernier livre qui s'appelle Nagori. Nagori, c'est un peu, si j'ai bien compris, c'est la nostalgie de la saison qui vient de se terminer. Par exemple, lorsque au mois d'août les mirabelles arrivent, on en profite. Mais lorsqu'elles partent, on a ce sentiment si particulier qu'elles vont nous manquer. Eh bien, c'est cela, c'est le sentiment d'une saison qui disparaît. Et ça, ça a un nom, Nagori. Et donc, vous arrivez à démultiplier les saisons et à donner à l'année une ampleur incroyable, si bien que chaque jour, on arrive presque à trouver une saison. Et on pourrait même dire, dans chaque journée, on pourrait trouver, comme aujourd'hui, en France, à Paris, on pourrait trouver un peu de printemps, on pourrait trouver un peu d'hiver ce matin. au petit matin, et etc. L'automne, le soir arrivé. Et c'est ce que j'aime dans la culture japonaise. Et on parlait de culture, Xavier. Eh bien, cette tradition qui nous vient de la nuit des temps, elle nous arrive intacte et totalement respectée. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et Nicolas Baumert, justement, quand il est question de cette tradition ou de tradition inventée, il est là un sujet magnifique, c'est la cuisine japonaise, hein, cette mise en place d'une scénographie autour du repas, mais qui est intelligible pour des Japonais, qui l'a été longtemps beaucoup moins pour les Occidentaux, qui commence à l'être, et cette volonté de montrer la profondeur des temps à travers la cuisine est quelque chose que vous pouvez analyser aussi. Oui, bien sûr. Mais le rôle du chef cuisinier, hein, c'est peut-être aussi l'ici et le maintenant, c'est-à-dire le chef cuisinier qui est un maître, hein, qui va permettre de révéler, là on parlait de la saisonnalité, de révéler le moment, le meilleur moment de consommer tel aliment, tel produit exactement à tel endroit. Hein, c'est ça qui fait aussi la magie, la poésie. Mais effectivement, il y a une certaine réinvention de la tradition. Vous parliez de l'époque d'Edo. Cette époque d'Edo, aujourd'hui, elle est vue comme un petit peu un âge d'or, parce que c'est avant l'arrivée des Occidentaux, c'est donc ce qui apparaît peut-être comme le vrai Japon. Mais on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de produits qui sont arrivés déjà pendant la période d'Edo et aussi avant, des méthodes, des manières de préparer les plats. Je pense par exemple au tempura. Tempura, ça vient des Portugais. Ce sont les Portugais qui ont apporté la friture au XVIe siècle. Des beignets de poissons qui ont été repris par les Japonais. Mais effectivement, cette époque d'Edo, elle apparaît peut-être comme un âge d'or, comme quelque chose de magique, alors que c'est reconstruit aujourd'hui, c'est repris dans l'imaginaire comme quelque chose qui était proprement japonais, alors que il y a comme tout, il y a une évolution qui a lieu et qui a eu lieu avec des échanges depuis le début. La période d'Edo, cette période vécue comme un âge d'or, celle du 17e, 18e, 19e siècle, jusqu'à ce que le Japon s'ouvre, la période d'Edo et pas seulement d'Edo de Kabiyo, jusqu'à l'arrivée des Occidentaux. Mais bien sûr, quand on pense cuisine japonaise, on pense poisson cru, sushi ou sashimi. Voilà un couteau qui est spécial pour la dorade. Regardez, il correspond parfaitement à la morphologie de ce poisson. Je dois maintenant la couper en 3 coups de couteau seulement, comme l'ont enseigné nos ancêtres. Et selon la façon dont sont portés ces coups de couteau, le goût sera différent. Le poisson, plat de résistance, qu'il soit cru ou cuit, est souvent précédé d'amuse-gueules variées et joliment décorées. Tout est toujours dépouillé, raffiné, que ce soit les plats, les saveurs ou la décoration. Voilà la salle, si on peut dire, d'un 3 étoiles de Tokyo, 8 places sur un comptoir, où on peut voir le maître officier. La cuisine française, c'est un orchestre. La cuisine japonaise, c'est plutôt le son simple, le soliste. Donc c'est le minimalisme. Un extrait du journal télévisé du 13h de France 2 en 2015. François Simon, que pensez-vous de cette analyse d'un chef japonais? La cuisine française, c'est un orchestre, celle du Japon, c'est celle d'un soliste. C'est exactement ça. Souvent en France, j'allais dire, on ajoute, on empile. D'ailleurs, souvent quand vous voyez des assiettes de grands restaurants, vous sentez la peur du chef. C'est-à-dire qu'il a eu peur de monter au front juste avec une tomate et un filet d'huile d'olive. Il a rajouté des légumes, il a même fourré la tomate. C'est une cuisine inquiète, la cuisine occidentale, et qui veut plastronner, qui veut s'inscrire, comme les amoureux laissent leurs initiales sur l'écorce des arbres, alors qu'au Japon, on retranche, on simplifie, on épure, on va jusque à la syllabe initiale. Ben, c'est une cuisine d'humilité, c'est une cuisine de respect des saisons, des produits, et c'est ce que l'on peut aimer dans cette cuisine-là. C'est son côté très simple, très humble, qui nous fait penser parfois qu'il n'a pas tellement d'intérêt, qu'elle est fade, qu'elle est sans saveur. Pas du tout, c'est à partir de là que ça commence. Dans le fade, par exemple, eh bien, il y a tout un univers, comme celui de la pénombre, C'est le début d'une histoire et c'est ce qui est intéressant dans la cuisine japonaise, c'est qu'elle nous apprend un autre univers. Et cet univers, vous nous le transmettez, François Simon. Merci beaucoup à vous. Je rappelle hein, votre ouvrage Cuisine française, chef japonais avec Ryoko Shekiguchi. Et puis, j'ai envie de dire toutes vos œuvres, François Simon, hein, L'esprit des vents, Héritage, Bocuse aussi. Ah, Bocuse. Et puis, merci aussi beaucoup à vous, Nicolas Baumer, spécialiste du saké. Bien justement, on peut lire votre saké, une exception japonaise. Mais pour le moment, dans le cours de l'histoire, il est temps de retrouver Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, le superflu si nécessaire. Comment la France est-elle devenue la patrie d'un luxe si convoité? C'est la question à laquelle tente de répondre le documentaire de Stéphane Bégouin, L'invention du luxe à la française, disponible sur la plateforme d'Arte. Avec le ralentissement inédit du tourisme et tous les débats sur les travailleurs et les biens essentiels, s'interroger sur le luxe semble tomber à point nommé. À quoi sert le luxe et pourquoi a-t-il cette puissance symbolique et économique? Car c'est un fait, le luxe est un des piliers de l'image mondialisée de la France, du parfum à la haute couture, en passant par les macarons considérés comme les bijoux tout à fait lassants du génie pâtissier hexagonal. Le luxe a pour cause première ce mécontentement de notre État, ce désir d'être mieux, qui est et doit être en chaque homme. Le luxe est une suite naturelle des progrès de l'espèce humaine. Et pour raisonner conséquemment, tout ennemi du luxe doit croire que l'état de bonheur et de vertu pour l'homme est celui non pas de sauvage, mais d'orang-outan. L'histoire des industries du luxe en France, c'est d'abord le constat d'une infériorité qui pèse lourd sur le budget d'un État qui se doit d'entretenir sa monarchie et sa noblesse, dont l'apparat est devenu un des instruments essentiels de pouvoir. Nous sommes au XVIIe siècle, Louis XIV commence à régner après bien des péripéties, guerre, fronde et guerre encore, survenue en escadrille. Son ministre des Finances, Colbert, est résolu à trouver une solution pour contrer la passion sans borne de la cour pour les produits venus de Chine, d'Italie, de Hollande et d'Espagne. Une véritable guerre du luxe est déclarée contre ces porcelaines et ces étoffes précieuses dont la France n'a aucun des secrets. Pour équilibrer la sacro-sainte balance de l'import-export du royaume, il faut cesser de se ruiner en faisant venir ces objets superflus et hors de prix de l'étranger. Privilégier l'industrie domestique, c'est la clé de cette dépendance aux débiteurs de frivolité dont on ne saurait visiblement pas se passer. Et pour ce faire, un seul moyen, capter ce savoir-faire de gré ou de force pour se les approprier. L'espionnage industriel à l'époque moderne. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Un produit concentre toutes les attentions pour en trouver les recettes de fabrication. Le miroir. Pour parvenir à réaliser la galerie des glaces du Palais Royal de Versailles, il a fallu se démener. Et ici, tout est question de taille. Les artisans français peuvent produire des faces à main de quelques dizaines de centimètres, mais pas plus, alors que l'île de Murano, en Italie, garde jalousement les techniques de fabrication des glaces de grande taille, à la hauteur de la monarchie française telle qu'elle se rêve. Pendant des décennies, des sbires et des négociateurs sont envoyés pour se procurer ces techniques, par l'achat mais aussi par la force ou par la ruse. L'enjeu est économiquement très intéressé, puisque les plus grands miroirs peuvent atteindre le prix d'un château. On peine à imaginer ce que cela représente, mais c'est insupportable pour les contemporains, et c'est bien cela qui nous importe ici. Un maître verrier vénitien qui s'est laissé convaincre de s'installer en France termine empoisonné par Venise pour punir ce traître à la patrie. La route est longue jusqu'au chef-d'œuvre de Mansart, mais à coup de mauvais coups, de monnaie sonnante et trébuchante, de surveillance serrée de ses artisans, la France devient un territoire du luxe, sans pour autant réussir à réduire ses rivaux drapiers hollandais et céramistes chinois. Cette course au luxe engage un débat d'une modernité toujours aiguë sur les vertus et la perversité du luxe, pourvoyeur de fantasmes, d'histoires et d'une expérience plus exaltante que celle qui semble nous attendre. La frustration n'est donc jamais très loin et joue encore pleinement son rôle de levier du désir aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Anaïs Quin pour cette visite du luxe sublime. Le documentaire L'invention du luxe à la française, c'est sur Arte, la plateforme arte.fr. Et on retrouve le journal de l'histoire et tous les liens utiles sur le site franceculture.fr et l'application Radio France. Le cours de l'histoire s'intéresse toute la semaine aux cuisines à travers le monde. Le lundi, c'était ravioli chinois. Le mardi, c'était spaghetti, mais spaghetti antique. Et aujourd'hui, c'était sushi. Oui, mercredi, c'est sushi, une tranche d'histoire. Nicolas Baumer, vous êtes toujours avec nous? Oui. Juste une conclusion que vous souhaitiez apporter sur cette simplicité et cette complexité de la cuisine japonaise, en quelques mots. Oui, eh bien, si on prend effectivement cette cuisine japonaise qui apparaît simple, eh bien, en fait, c'est qu'une apparence. Hein. C'est quelque chose, vous parliez de l'époque d'Edo tout à l'heure, on l'a beaucoup développé aujourd'hui, mais ça, c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus en avant. Et les premiers textes japonais sur la cuisine, qui datent du 16e siècle, disent que la cuisine doit apparaître simple. Donc elle apparaît simple. Elle dit pas qu'elle est simple, elle doit apparaître simple. Et c'est quelque chose qui s'est poursuivi jusque de nos jours, où finalement il s'agit de révéler par le travail du chef, par le travail des aliments, la simplicité de la cuisine japonaise. Si on prend un petit exemple différent, c'est un peu comme le jardin japonais ou comme la fontaine dans le jardin japonais. Il y a de l'eau qui coule, il y a des mousses, il y a des arbres, tout paraît naturel, entre guillemets. Oui. Mais en fait, c'est une construction. Merci beaucoup, Nicolas Baumer. On retient cette conclusion. Ça paraît simple, mais c'est pour cacher la complexité. Cela vaut pour tout. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Nous nous retrouvons demain. Demain, jeudi, c'est couscous et méchoui aussi.